passion. La misère ne m'atteint plus, été comme hiver, coule ma rivière qui déborde sur ses joues un matin de plus. Catastrophe et tracas du quotidien, tout se mélange comme dans une soupe au malheur. Tout se mélange à la main au pistolet, une vie de moins, une ligne de plus sur les pages des quotidiens. La terre tremble mais je ne la sens pas, l'écran me jette un sort. J'y vois toute la journée des corps pour des corps. Les hommes assis sont des ondes que je distingue mal. Je me perds dans le rouge et le noir comme les cristins d'âle. Mon œil fatigué bloque sur le siège du métro. Des pieds passent, une main tendue, 10 centimes d'euros. Je suis celui qui en a trop vu, qui pleure sans s'en rendre compte. Moi l'œil, l'œil qui ne s'échappe plus. Un goût salé dans la bouche, à l'heure des immondices, mon œil me fait la cour. Un goût salé dans la bouche, quel est mon plus gros vice, de voir avec amour. J'espère du fond de la rétine que la roue tourne et que la routine des images absurdes ne soit pas sans retour. On dit que le bonheur est simple mais ce monde est compliqué. Fermer l'œil c'est abdiquer, être comblé par un dessin c'est dur. Alors je cherche toujours le bijou d'air pur, scrute le futur en espérant que l'or y soit en nature. Maudit soit la nuit, elle qui noircit ma vision. Maudit soit le jour, qui éclaircit peu l'horizon. Je me suis lassé jusqu'à ce matin ou pas dans mon assiette. Je m'ouvris sur un soleil doré d'acier. Les couleurs vives me poussèrent vite à la fenêtre et ce que je vis, ma tristesse allait faire disparaître. Je ne puis la quitter des yeux, cette divinité au corps voilé qui allait inspirer mes rêves de nuit d'été. Depuis j'espère respirer sa vie, elle qui a bu mes larmes, elle qui a pris mes armes, désembué ma vitre. Un goût salé dans la bouche, à l'heure des immondices.